pas vu le jour dans un de ces pays où l'on vient pour mourir, où l'on vit par envie, où gisent sous les champs des tonnes de poètes, des marais de savants, des guerriers en cueillette, et dont les cimetières grouilleux de mausolées, que tout ce même Saint-Pierre se damnerait pour mirer. Je n'ai pas fait mes dents dans un de ces pays, mais par un temps de pluie dans une ville qui attend de crever, qui attend qu'on l'achève, et où seuls les vieux osent encore dire qu'ils s'y plaisent, en regardant passer des hordes d'ambitieux qui partent chercher mieux et qui sont sûrs de le trouver. Non, je n'ai pas émis mes tout premiers sanglots dans un de ces pays où coulent à grands flots des gens de nulle part, d'un monde sans merveille, où fleurit le brouillard, où croupit le soleil, qui rogne les envies, égorge les amours, qui sépare les amis et qui force le détour. Je ne suis pas venu dans un de ces pays, mais vous serez prévenus, il faut que ce soit dit. Quand bien même on y meurt, plus grave et plus triste, j'y ferai en vainqueur mes derniers tours de piste. Et le sang de mon sang pourra sans que se gaussent les fiereux et les rosses, clamer poitrine devant. Je n'ai pas vu le jour dans un de ces pays où l'on vient pour mourir, où l'on vit par envie, où gisent dans les champs des tonnes de poètes, des marais de savants, des guerriers en cueillette. Mais dans une cité qui garde pour fierté l'un des pères de mes pères qui aura su s'y plaire. Merci. Merci.